grâce, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Ne sois pas séduite par ce monsieur qui vient te voir avec une jolie voiture. Tu ne dois pas regarder tout simplement l'apparence, mais regarde surtout aux valeurs chrétiennes, aux valeurs spirituelles. Est-ce que tu comprends? L'Éternel te dit, vous les hommes, vous considérez ce qui brille, ce qui frappe, mais Dieu regarde le cœur. Ne sois pas séduit, mais il faut que tu consultes l'Éternel d'abord avant de répondre. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton voisin, toi qui es marié, réveille ta femme, réveille ton mari. Nous sommes à OSP, opération sur la brèche. Notre passage du jour, c'est Marc chapitre 3, 31 à 35. Chaque matin, je me lève. Je prie avec OSP. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSP. Lisons donc Marc chapitre 3, 31 à 35. Survinrent sa mère et ses frères qui, se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit : voici, ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Et il répondit : qui est ma mère et qui sont mes frères ? Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis autour de lui : voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Amen. Dans ce passage, nous voyons trois vérités importantes que nous voulons partager. La première vérité, c'est que nous devons être prêts à payer le prix pour être disciples de Jésus-Christ. En d'autres termes, nous devons accepter les priorités de Dieu. Parfois, il y a un conflit entre les priorités de Dieu et les priorités de la famille, les priorités des amis, les priorités des gens de la société dans laquelle tu vis. Vous voyez ici, Jésus est à plein ministère. Il est venu pour accomplir la volonté du Père. Il est venu pour chercher et sauver les perdus. Il était en train de prêcher l'évangile. Pendant ce temps, on dit sa mère et ses frères. Cela veut dire que Jésus, il avait aussi des frères biologiques. Sa mère, c'est-à-dire Marie, et ses frères, était dehors. Lui, il était là avec la foule en train d'exercer le ministère. Alors, eux, ils étaient dehors et puis ils envoient des gens pour l'appeler. Vous voyez? En d'autres termes, ici, Jésus s'est rendu compte que ce qui était priorité pour lui, c'était d'abord ce qu'il faisait. Nous avons vu hier que ses frères même le considèrent comme quelqu'un qui a perdu la tête. C'est dans ce contexte qu'ils font comprendre. Parce que quelqu'un qui ne comprend pas bien, il va dire oui, on n'a pas besoin maintenant de s'occuper de la famille. Et surtout lorsqu'on est marié, c'est différent. Hein? Je ne vais pas dire que lorsque je suis marié, je dois abandonner ma femme, mes enfants, et je commence à prêcher, je commence à dormir à l'église. Non, ici le contexte est différent. Le contexte de Jésus ici, c'est le contexte où ses frères, ses membres de famille ne croyaient même pas son ministère. Il est taxé de quelqu'un qui a perdu la tête. Et si nous comprenons comme ça, c'est-à-dire que lorsqu'ils l'ont appelé pour qu'il puisse venir, c'était en quelque sorte pour l'empêcher de faire ce qu'il faisait. Vous voyez? Alors, nous devons donc être prêts à payer les prix. Je vais parler à quelqu'un. Écoute-moi bien. Lorsque tu veux t'engager même à servir le Seigneur, parfois tu peux avoir des problèmes avec ta propre maman, ton propre père, qui va te dire, moi j'ai payé les études pour toi, et puis c'est pour de la foutaise comme ça que tu vas maintenant t'engager. Mais il faut tout simplement que tu sois prêt à accepter cela, Peut-être après, ils vont comprendre. Nous voyons dans la Bible, même Marie, à un moment donné, ne comprenait pas Jésus. Même dans les miracles de Canaan, où Jésus pouvait dire, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ?» Donc, vous voyez ici, Jésus avait la double nature. Il avait la nature humaine, mais il avait aussi la nature divine. Vous voyez. Donc, nous devons accepter les priorités de Dieu. Des fois, la famille peut te dire une chose, mais le Seigneur te dit une autre chose. Je prends un exemple dans le domaine du mariage. La famille peut t'imposer un mari ou bien une femme, mais cette femme-là ne répond pas aux critères divins. Peut-être que c'est quelqu'un qui ne craint pas Dieu, mais la famille va te dire, comme c'est un monsieur ou une dame qui a l'argent, il voit les intérêts matériels, les intérêts financiers, les intérêts politiques. Mais toi, lorsque tu considères que ta relation avec Jésus est prioritaire, tu vas faire sa volonté et non la volonté des hommes. C'est en cela que la vie chrétienne devient difficile. C'est en cela qu'il y a un prix à payer. Et ici, Jésus, il ne s'est pas laissé faire. Et nous voyons dans sa réponse qu'il n'a pas accepté de laisser ce qu'il faisait. Mais il a donné une réponse qui montrait qu'il y avait une autre priorité. Deuxième vérité concerne la notion de la fraternité, selon Jésus. Très souvent, surtout dans nos milieux africains, les gens considèrent comme frères ceux qui sont du même village, ceux qui sont de même ethnie, ceux qui sont de la même ville, ceux qui parlent la même langue. On dit que c'est ça mon frère, c'est ça ma sœur. Celui qui est de la même nationalité, de la même préfecture que moi. Lorsque quelqu'un n'est pas de mon ethnie, je ne le vois pas comme un frère. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui jouent la fibre ethnique. Même au niveau de l'église, il y a des gens, lorsqu'ils veulent choisir un président d'église ou secrétaire général, ils font d'abord passer l'ethnie en première position. On dit qu'il faut choisir notre frère. Alors que la Bible nous montre que mon frère, ma sœur, c'est celui-là même qui a accepté Christ. La Bible dit dans Jean chapitre 1, verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, au nom de Jésus, elle a donné la parole qui est Jésus, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Et nous voyons Jésus, il démontre cela. Il dit, verset 33, « Il répondit, « Qui est ma mère ?» Qui sont mes frères? C'est-à-dire que ceux qui sont venus l'appeler voulaient montrer que sa mère, c'est la mère biologique et ses frères biologiques. Mais Jésus montre une autre compréhension de la famille. Il dit, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Puis jetant les regards sur ceux qui étaient assis autour de lui. C'est-à-dire que la famille spirituelle, ceux qui ont écouté la parole de Dieu. Il dit, voici, dit-il, ma mère et mes frères. Où sont ces chrétiens qui sont prêts à dire « Voici mes frères, mes sœurs ». C'est pourquoi, lorsque nous comprenons que l'Église est une famille spirituelle au sein de laquelle devrait régner la fraternité, la solidarité. Quand, par exemple, il y a un frère qui se marie, il y a beaucoup de gens qui disent « Non, ça, ce n'est pas notre affaire, c'est son affaire de lui avec ses frères biologiques, sa mère. » Non, vous vous trompez. Lorsque dans une église, nous comprenons que nous sommes une famille, la maison de Dieu, la famille de Dieu. Le problème d'un frère, c'est mon problème. Même s'il n'est pas de la même ethnie, même s'il n'est pas de la même nationalité, c'est Jésus-Christ qui nous unit. C'est la parole de Dieu qui nous unit. Il y a le sang de Jésus qui coule en nous, vous voyez. C'est ce que Jésus voulait montrer, que ce n'est pas question de famille biologique. Mes frères, ce ne sont pas les gens qui sont nés de Marie, nécessairement, mais ceux qui sont avec moi. Qui écoute la parole de Dieu. C'est pourquoi il montrait que cela aussi avait de la valeur, de l'importance aux yeux de Dieu. Oh, si l'Église comprenait ces choses, le tribalisme, la xénophobie n'aurait plus place au sein de l'Église. Troisième vérité. Jésus va insister sur un aspect important. Toujours la fraternité. Il dit au verset 35, « Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. » Donc, il veut montrer l'importance de la volonté de Dieu. Celui qui fait la volonté de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent, « Je suis chrétien, je suis pasteur, je suis évangéliste, je suis diacre, je suis chantre. » Ça, c'est les paroles, tu dis. Mais quand on voit tes actes, ce que tu fais là, contredit ce que tu dis. Mais ici, Jésus insiste sur le fait que celui-là qui est mon frère, Ma mère, c'est celui qui fait, il ne dit pas celui qui dit qu'il est chrétien, celui qui dit qu'il est pasteur, il dit celui qui fait la volonté de Dieu. Beaucoup de gens aujourd'hui ne font pas la volonté de Dieu. Ils disent qu'ils sont chrétiens, mais quand vous regardez leur vie là, ils sont dans la débauche, ils sont dans le mysticisme, ils sont dans les mensonges, ils sont dans la compromission, ils sont dans l'amour de l'argent. Ces choses ne sont pas dans la volonté de Dieu. Comment peux-tu dire que tu es chrétien, tu es serviteur de Dieu, mais quand on voit tes actes là, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Je vais parler à toi, mon ami. Tu dis que tu es un homme de Dieu, tu es servant de Dieu. Mais il n'y a pas longtemps, tu viens de chasser ta femme. Et tu viens de prendre une sœur de l'église et puis tu l'épouses. Est-ce que tu ne lis pas ce que la Bible parle concernant les divorces? Les divorces ne font pas partie de la volonté de Dieu. Non. Et tu continues à exercer le ministère, ta conscience ne te reproche pas. Vous voyez? Les divorces font partie de ce qu'on appelle la volonté permissive. Ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Et ici, il dit, c'est celui qui fait la volonté de Dieu, c'est celui qui est mon frère, c'est celui qui est ma mère. Que Dieu nous aide afin que nous puissions aimer le Seigneur et que nous puissions faire réellement sa volonté et qu'il puisse dire, tu es mon frère, tu es ma sœur. Nous allons le louer, nous allons chanter ce cantique pour sa gloire. Fidélité est grande, ta fidélité est incomparable, nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande fidélité est grande, ta fidélité est incomparable, nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande Gloire à Dieu. Oh, bénissons le Seigneur, lui qui nous a gardés toute la nuit d'aujourd'hui, lui qui nous protège, lui qui a permis que nous puissions arriver à ce mois. Oui, tu vas élever ta voix là où tu es, béni son Saint-Nom. Chaque matin je me lève, je prie avec OSP. Chaque matin moi je prie, je prie avec OSP. Je me tiens à la brèche pour mon pays, je prie avec OSP. Je me tiens à la brèche pour ma famille. Je prie avec OSP. OSP. Opération sur la brèche, la force pour la prière. OSP. Nous te bénissons, éternel notre Dieu, toi qui nous as incorporés dans la famille des enfants de Dieu. Oh, sois béni, Jésus, toi qui t'es sacrifié à notre place, afin que nous soyons sauvés. Merci, ô Seigneur, toi qui nous dis dans ta parole que tu n'as pas honte de nous appeler frères. Sois magnifié, ô notre Seigneur, notre Dieu, toi qui nous as rachetés à grand prix. Nous t'élevons, nous te rendons toute la gloire. Toi, le Dieu bon, le Dieu incomparable, le seul vrai Dieu, le Dieu qui ne change pas. Notre libérateur, que l'honneur te revienne, notre Dieu. Toi, le Dieu qui nous rend capables de faire ta volonté. Oh, merci pour le Saint-Esprit qui nous conduit jour après jour. Merci pour le Saint-Esprit qui nous aide à être obéissants à toi et à ta parole. Nous t'élevons en ce moment et nous te glorifions. Amen. Amen. Nous sommes à l'émission OSB, Opération sur la brèche. Cette émission est rediffusée sur notre site web www.radiofréquencevie.com. Le texte du jour, c'est Marc chapitre 3, 31 à 35. Nous venons de voir qu'il y a un prix à payer. Parfois, les priorités de Dieu ne sont pas les priorités des hommes. Il y a des hommes qui peuvent t'empêcher à marcher avec Jésus-Christ. Ces hommes peuvent être les membres de ta famille, ça peut être tes parents, mais il faut apprendre à choisir les priorités de Dieu. C'est ce que Jésus-Christ lui-même a compris lorsque ses frères et sa mère sont venus pour l'appeler pendant qu'il était en plein ministère. Tu vas prier le Seigneur afin qu'il puisse t'aider à marcher selon ses priorités. Il y a des choses qui peuvent te détourner même de Dieu, mais il faut que tu essaies de payer le prix en considérant ta relation avec Jésus comme une priorité au nom de Jésus. Prie pour que Dieu te soutienne au nom de Jésus. Chaque matin je me lève, je prie avec OSP. Chaque matin moi je prie avec OSP. Je me tiens à la brèche pour mon pays, je prie avec OSP. Je me tiens à la brèche pour ma famille, je prie avec OSP. OSP. Opération sur la brèche, la force pour la prière. OSP. Très excellent Père, ce matin mon âme te bénit. Mon âme te bénit et que tout ce qui est en moi bénisse ton Saint-Nom. Mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. J'exprime chaque jour ma reconnaissance pour tout ce que tu fais dans ma vie, pour tout ce que tu fais dans ma famille, pour tout ce que tu fais dans ma nation, pour tout ce que tu fais pour le corps de Christ. Ce matin, ô Père éternel, je prie et je demande que tu m'aides à marcher selon tes priorités. Je demande au Père éternel que rien ne puisse m'empêcher de te mettre devant toute chose. Aide-moi, ô Père éternel, à payer le prix en considérant ma marche avec Jésus-Christ comme une priorité des priorités. Ma marche avec Jésus-Christ comme une priorité parce que Jésus-Christ a créé toutes choses et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Considérez Jésus-Christ comme la priorité de toutes choses parce que c'est Christ qui m'a transporté des ténèbres vers la lumière. Merci Père éternel pour ce privilège que tu m'accordes et que tu accordes à tous les frères et à toutes les sœurs qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous voulons être des dignes ambassadeurs pour contribuer à l'avancement de ton œuvre. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ, ô Père éternel, que j'ai prié. Amen. Amen. Nous venons de voir la notion de la fraternité. Jésus montre que mon frère, ma sœur, ce n'est pas nécessairement mon frère biologique, ma sœur biologique, mais c'est mon frère qui a accepté Jésus, avec qui je fréquente la communauté, l'assemblée, avec qui nous sommes ensemble autour de la même table, avec qui nous partageons la Sainte Cène. Nous allons prier aujourd'hui pour que réellement la notion d'amour, la notion de la fraternité, de la solidarité soit vécue au sein de nos églises. Que l'esprit de tribalisme, de xénophobie soit extirpé du milieu de nous et que nous puissions vivre comme des frères et des sœurs qui s'aiment dans le nom de Jésus-Christ. Chaque matin je me lève, je prie avec esprit. Chaque matin moi je prie, je prie avec esprit. Je me tiens à la brèche pour mon pays. Je prie avec esprit. Je me tiens à la brèche pour ma famille. Je prie avec esprit. Oh esprit. Opération sur la brèche, la force pour la prière. Oh esprit. Quelle grâce de t'appartenir, Seigneur, d'être enfant de Dieu, d'avoir des frères et des sœurs. Parce que tu as dit, si ton père et ta mère t'abandonnent, l'Éternel te donne une nouvelle famille. Dans cette famille, il y a des frères, il y a des sœurs, il y a des mères, il y a des pères, il y a tout ce monde qui nous entoure. C'est pourquoi tu l'as dit dans Jean 15, à partir du verset 12. Ceci, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous demande. Notre Dieu, nous voulons être des frères et aussi être des amis. Nous te prions ce matin pour que la notion de frère, la notion d'ami, la notion, notre Dieu, notre Père, ces notions soient inculquées, soient gravées sur notre cœur, afin que cet esprit de parti pris, parce que toi tu ne fais acception de personne, tu n'as pas de parti pris, tu nous aimes d'un amour éternel, d'un amour sans fin, d'un amour incommensurable, aide-nous à nous aimer. Aide-nous à nous supporter, aide-nous à nous visiter, aide-nous à nous faire confiance, notre Dieu, notre Père. Car ce lien qui nous lie est un lien très fort par le sang de l'agneau. Que cela soit à nous, au nom de Jésus. Amen. Nous venons de voir que Jésus insiste sur la volonté de Dieu. Celui-là qui fait la volonté de Dieu, c'est celui qui est son frère. Tu vas prier le Seigneur pour dire, Seigneur, aide-moi à faire ta volonté. Et si quelque part tu t'es rendu compte que tu t'es détourné de la volonté de Dieu, demande-lui pardon. Prions pour que, en tant que chrétiens, nous puissions mettre l'accent sur l'obéissance, c'est-à-dire le faire et non sur le dire. Il y a beaucoup de gens qui disent, mais ils ne font pas ce que Dieu demande. Prie le Seigneur pour qu'il t'aide à faire ce qu'il te demande, quoi que cela te coûte, au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Chaque matin je me lève, je prie avec esprit. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec esprit. Je me tiens à la brèche pour mon pays. Je prie avec esprit. Je me tiens à la brèche pour ma famille. Je prie avec esprit. Oh, esprit. Opération sur la brèche, la force pour la prière. Oh, esprit. Nous te bénissons et nous te retournons toute la gloire. Merci Père, parce que ta volonté, c'est ce qui est inscrit dans le livre de Matthieu au chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ta volonté, Seigneur notre Dieu, c'est aussi Matthieu 28 à partir du verset 19 à 20. C'est-à-dire, allez et faire des disciples, aller et parler de toi, aller et gagner des âmes, aller et faire de l'évangélisation notre priorité et notre choix. Merci Père, merci Seigneur, que nous soyons des serviteurs qui fassions ton œuvre, que nous soyons des serviteurs qui allions annoncer que tu es ressuscité. Ta volonté, c'est de participer au programme d'évangélisation pour que des âmes soient sauvées, pour que des âmes soient gagnées. Seigneur, merci de nous instruire à te servir dans la justice, te servir dans la piété, te servir dans la sanctification. Ta volonté, Seigneur notre Dieu, c'est, oh, prier pour les âmes perdues, prier pour que les âmes soient sauvées. Ta volonté, c'est de donner notre cœur, de donner notre vie. C'est de donner, Seigneur notre Dieu, le bien que tu nous donnes en retour. C'est de te retourner en action de grâce. Seigneur, si nous faisons ta volonté, nous allons recevoir des rencontres divines. Tu vas encore et encore nous bénir et toutes choses nous seront données par-dessus. Surtout l'enfantement, la grâce surabondante, la gloire et toutes choses que nous recherchons nous seront données par-dessus tout. Merci, nous te retournons toute la gloire parce que ta volonté c'est que des âmes de par notre canal soient sauvées au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Notre grand rassemblement que nous attendons, c'est le samedi 26 décembre 2015. À partir de 9h, tous nous serons à Abidjan, à l'église Assemblée de Dieu d'Adjamé. À partir de 9h, spécial OSP d'Action des Grâces, nous viendrons pour dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Ne ratez pas ce rendez-vous. Mais nous rappelons que le dimanche 20, nous aurons notre rencontre Bonheur conjugal pour les couples mariés. Thème, comment exprimer l'amour à votre conjoint. Les fêtes approchent, ma sœur. Il faut venir savoir comment tu peux exprimer l'amour à ton mari, à ta femme, afin que réellement nous puissions clôturer l'année en beauté. L'entrée est libre. Ce sera au même endroit, au CPE, à partir de 17h. Que Dieu vous bénisse et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. La joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons.